Quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'histoire de la Bretagne, en ce jeudi, le documentaire. Après avoir imaginé une Bretagne mondialisée lundi avec l'historien Joël Cornette, puis mardi nous être demandé comment on pouvait faire une histoire de France à partir de l'histoire locale de la Bretagne, et hier nous être interrogé sur les aléas de la langue bretonne, aujourd'hui dans le documentaire signé Victor Massé de l'Épinay et Thomas Duterre, nous allons nous rendre dans un lieu très particulier de Bretagne, une vallée qui se trouve également sur une colline avec des saints qui sont peut-être des saints différents de ceux que l'on imagine quand on se trouve au Vatican ou à Rome. Ça s'appelle La Vallée des Saints, les légendes, ça se sculpte, un documentaire jusqu'à 10h, signé donc Victor Massé de l'Épinay et Thomas Duterre, avec les témoignages et les analyses de Sébastien Mingui, de Cyril Pouliquin, de Magali Coumer, de Denis Moutel, d'Yvon Tranvouez, de André Rousseau, de Jean-Pierre Gritz et de Patrick. Moi, j'adore le granit crène de Cléder, le Kerliviri, même si je les aime tous. Par exemple, le Perros-Guirec, on va moins parler de grain, ça va plus être de la lamelle, de l'écaille presque. Après, on a le bleu de l'Anhélin. On travaille la pierre sur laquelle on marche, c'est la Bretagne, quoi. Bon, on sculpte un bout de la Bretagne quand on travaille le caillou. C'est un peu une discussion avec notre région. Un ami m'a proposé d'être assistant de Patrice Le Guen. Donc j'ai fait 3 sculptures avec lui en tant qu'assistant. Qui sont lesquelles ? Alors c'était le pied de Saint-Colomban, Saint-Azénor, la grande rose, et Saint-Brendan, ou Brandan, donc qui est debout sur sa baleine. L'année suivante, j'ai eu ma première, donc qui était Saint-Ernoc, donc qui est représenté donc, sur le site, donc sur la butte, avec 2 anges sur les épaules. L'année suivante, j'ai fait Donatien et Rogatien, les martyrs de Nantes. L'année dernière, j'ai fait donc Saint Guenel, un saint guérisseur qui soignait notamment les problèmes de vue de ces cités, et Sainte Dariarca d'Irlande, donc une sainte irlandaise. La vallée des saints, les légendes, ça se sculpte. Victor Massé de l'Épinay, Thomas Duterre. Là, on est au pied de la statue de Saint Pérec, qui est né au Pays de Galles au VIe siècle, qui était le fils du roi Gliwis de Glamorgan. Ouais. À sa mort, Pérec refuse de succéder à son père, puisqu'il était le fils du roi, et il se consacre à sa foi. Il part étudier en Irlande, et le collecteur Paul Sébillot, le collecteur des légendes du 19e, qui ont beaucoup mis en honneur toutes ces légendes des saints bretons, là, on a fait un de ses saints préférés, et il en fait un des 7 frères qui a quitté l'Irlande pour devenir évêque en Bretagne. Les autres, c'est Guy Briand, Hélène, Germain, Véran, Abram et Tresson. Alors ces dessins, on ne trouve pas du tout dans le martyrologe chrétien, mais bon, ils ont une existence voilà, dans l'imaginaire irlandais et breton, celte. Mais d'ici, on aperçoit une autre statue de femme à la tête coupée, c'est Sainte Tryphine. On la voit juste en face là-bas, qui porte sa tête. Elle n'a plus la tête sur les épaules, mais dans ses mains, sur son ventre, et juste en dessous de ses seins. Alors, Sainte Tryphine, on va la chercher, elle est au... C'est une sainte assez représentative de la Bretagne centrale, parce qu'il y a un petit bled à côté de l'abbaye de Bon Repos, dans la forêt de Kénécan, où Sainte Tryphine a été décapitée. Habitant la Bretagne intérieure à quelques kilomètres de la vallée des Saints, l'écrivain Jean Kergrist est venu s'y promener avec nous. Ce qui m'intéresse dans la statue, c'est la liberté qu'a pris le sculpteur de trouver des formes assez sensuelles. On ne sait pas si elles viennent d'en haut, des cheveux, ou si elles viennent d'en bas, la terre qui d'un coup se met à produire des lierres, des lianes. Et la pierre d'un coup elle se met à résonner. Et ce qui me plaît dans cette vallée des saints, c'est ça, ce surgissement perpétuel des formes. Alors que le vent souffle sur cette colline, est-ce qu'on peut se rapprocher un peu du sommet de la colline? Oui. Pour avoir encore plus de vent. Alors Sébastien Mingui, on est là au sommet de la colline de Kenekilek. Kenekilek, oui, tout à fait. Kenekilek. On est sur le mont Sangueltas, on est à 233 mètres. Et donc quand on arrive ici en août 2009, c'est la première fois où Philippe Abjean et moi-même on découvre ce site. On sait tout de suite que la vallée des Saints va s'installer ici parce que on a une vue exceptionnelle à 360 degrés sur tout le Poher, hein, tout le centre Bretagne. Et puis on sent qu'on a une vraie force sur ce site. On sent les énergies tout de suite telluriques. D'ailleurs, on est pris par ça. On découvre un site historique, en fait. Parce que sur ce site, vous avez quasiment tout ce qui fait la Bretagne. On a une chapelle très ancienne, classée monument historique, la chapelle Saint-Gilda, en contrebas du site. Si on va derrière cette chapelle, on découvre une fontaine gauloise à trois niveaux, où les chevaux se faisaient bénir, en fait, chaque année, lors de la fête de Saint-Gilda. On voit d'ailleurs la trace des sabots dans cette fontaine. On a cette motte féodale du XIe siècle bâtie par l'homme, où on avait ici une tour en bois qui dominait. Parce que pas loin d'ici, à 15 minutes, on a Carhaix. Carhaix, c'est Vorgium, qui était la capitale de la Bretagne hein, pendant les Romains. Et les Axes romains arrivaient sur ce site. C'est-à-dire, tous les gens qui voulaient remonter sur le nord des Côtes d'Armor, Lannion, Paimpol, un moment ou un autre, ils passaient par ici. Certains historiens aussi indiquent que Richard Cœur de Lion aurait été défait peut-être sur ce site. Finalement, on arrive dans un site déjà très fort, quoi. Et d'ailleurs, qu'on voulait protéger, c'est-à-dire on s'est dit, on va pas mettre d'autres choses, qu'on va placer les sculptures, on veut garder ce site naturel, on met pas de panneaux au pied de chaque sculpture, tout ça, c'était important pour nous, quoi. Il ne faut pas isoler la vallée des Saints. Je crois que c'est vraiment une pièce dans un projet beaucoup plus large, conçu par Philippe Abjean, qui démarre avec le Trobreuil, donc en 1994, qui continue donc avec la vallée des Saints, dont l'idée était déjà présente en 2000, et qui continue avec une œuvre consistant à sauver un centre de chapelle qui risquerait d'être sinon en grand péril, et puis donc qui pourrait se poursuivre avec un mémorial missionnaire que Philippe Abjean voudrait installer à Plouray, dans une ancienne maison de formation d'une congrégation religieuse féminine. Yvon Tremvoise, historien. C'est-à-dire que pour moi, je vois Philippe Abjean d'abord comme porteur d'un projet religieux. Alors effectivement, qui est un projet culturel par ailleurs, un projet économique aussi de fait. Mais c'est d'abord pour moi un catholique déçu du Concile Vatican II et de ce que ce concile a pu apporter comme intellectualisation de la religion, comme rejet de la religion populaire. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il ne cherche pas à mettre du breton sur un catholicisme conciliaire. Il va au contraire se défaire de cette ligne conciliaire, ne pas avoir d'obsession de la langue bretonne, mais il propose des choses nouvelles, la logique pèlerine, hein, le Trobreuil, il y a des gens qui marchent, puis là-dedans, éventuellement, on fera des propositions religieuses. Et puis, il crée un lieu, la Vallée des Saints, qui, de fait, attire du monde. Les centaines de milliers de personnes qui viennent là ne sont pas poussées là-dedans. Et un lieu qui est gratuit. Il n'y a pas de billetterie. Il crée comme ça d'autres formes de rassemblement que celles auxquelles le catholicisme, installé, nous a habitués. Vous êtes évêque de Saint-Brieuc depuis 2010. Voilà. C'est en 2010 également que la première sculpture a été posée sur la colline de Kinikiyek à la Vallée des Saints. Comment est-ce que cette initiative, qui ne vient pas de l'Église, qui est une initiative privée, associative, comment est-ce que vous l'avez vu arriver? Comment est-ce que vous l'avez vu se développer? Alors, Monseigneur Moutel. Elle se développe, effectivement, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est un développement même assez considérable, y compris en termes de population, qui sont plusieurs dizaines de milliers, voire centaines, de milliers de personnes qui s'arrêtent à la Vallée des Saints à Carnoët. Je pense qu'au départ, on est dans une attente, une expectative, parce que c'est vrai qu'en plus, l'idée est assez originale de mettre dans une vallée, en fait, qui est en fait une colline, tant et tant de figures monumentales. Et puis, j'allais dire, l'essentiel de la rencontre et que nous vivons, je connais bien, je rencontre une fois ou l'autre Monsieur Philippe Avjean et des personnes qui sont liées à la Vallée des Saints. L'enjeu, il est actuel, c'est-à-dire comment pouvons-nous faire se rencontrer cette mémoire du christianisme dans ses origines et de cette âme mystique bretonne qui est effectivement fortement évoquée et présente à la Vallée des Saints avec la pratique actuelle du christianisme. Et un des atouts qu'il y a tout de même, c'est une chapelle que vous avez sûrement visitée, la chapelle Saint-Gilda, et que nous voudrions enrichir de propositions, d'ouverture, d'accueil en relation avec le site de la Vallée des Saints. Mais dans le respect des initiatives propres, je ne suis pas le responsable de la Vallée des Saints, mais c'est situé sur le diocèse dont je suis l'évêque, donc il est très normal qu'on ait des relations non seulement cordiales, mais collaboratives aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première fois que vous y êtes allé? Est-ce que vous vous souvenez quand c'était? C'est sans doute en 2011, au cours d'une visite de la paroisse de Rostrona Melkare Kalak, et je pense que c'était avec le curé que j'étais allé, de façon très incognito, enfin sans prévenir personne, mais ça m'avait permis de découvrir une première fois ce site, et aujourd'hui ça s'est développé, il y a beaucoup plus de statues. J'y suis retourné au moins à deux reprises récemment, pour la bénédiction de la statue de Saint-Colomban, avec Monseigneur l'archevêque de Rennes, Monseigneur Dornelas, nous étions tous les deux, il y avait beaucoup de personnes présentes. Et puis j'y suis retourné aussi pour un pardon, le pardon de Saint-Gilda, je dis à la chapelle qui est un peu en contrebas et qui rassemble aussi des chrétiens catholiques, mais aussi des personnes intéressées par le mouvement religieux de cette région, donc au début du mois de septembre. Pas loin d'ici, à 20 minutes, on a Landelot. Et toute la commune de Landelot, en un mois, ils ont réuni 280 personnes et ils ont financé, même au-delà du montant, leur sculpture. À Guerlesquin, juste un peu plus haut, on a Saint-Trémeur. Pareil, toute la commune, les commerçants, tout le monde s'est mobilisé pour financer sa sculpture. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est des projets collectifs. Donc nous, on estime qu'ici, on n'est pas chez nous. On met la Vallée des Saints, on se dit ben c'est aux Bretons, à tous les gens qui aiment bien la Bretagne, et donc on veut rester comme ça. C'est-à-dire que Philippe Avjean et moi-même, on a bloqué la gratuité. C'est impossible de revenir là-dessus. Donc c'est important pour l'approche et l'appropriation du site aussi. Qui incite à aller à la Vallée des Saints? Les clubs du troisième âge. Alors c'est assez extraordinaire parce que on restructure les paroisses dans les diocèses. Alors les prêtres vous disent il faut faire du covoiturage, etc. Vous organisez pour aller à la messe à tel ou tel clocher. Et les gens renâclent, on hésite à faire ça. Par contre, les clubs du troisième âge partent allègrement à la Vallée des Saints. D'ailleurs, souvent, on couple la chose avec, ça c'est cocasse, on va à la Vallée des Saints le matin, et puis l'après-midi, on va aller à Plouray, au centre bouddhique qui s'y trouve, ou l'inverse. Il y a là des stratégies alors là touristiques qui fonctionnent aussi et qui amènent des gens sur ce site. Donc, beaucoup de choses se croisent. Et si on s'intéresse à la réception, comme on dit en littérature, tout est possible. La curiosité, l'anecdotique, le typiquement breton, qui est un stéréotype à peu près sans contenu, mais qui fonctionne. Ou bien alors, des commentaires hyperboliques. J'en ai lu un qui dit voilà, c'est formidable. En Bretagne, on n'enseigne plus l'histoire de la Bretagne, mais la voilà en statue. Et puis, ces saints qui venaient d'Irlande, du Pays de Galles et d'ailleurs encore, ils ont vécu de façon moderne, c'est-à-dire sobrement. Ils étaient écologistes avant la lettre, zéro déchet. Et donc, ça montre bien que, à la fois, on est moderne et ancré dans une tradition, et puis que ça s'oppose à la culture gréco-latine, qui est la France, qui est consumériste, etc., etc. Tout le monde s'en empare. Aussi bien un magasin U qui fait sa statue et qui fait poser l'ensemble de son personnel pour donner une certaine image de l'entreprise, que des gens qui vont souscrire pour 20 euros, 30 euros, mais qui deviendront des compagnons de la Vallée des Saints et dont le nom sera inscrit sur le site. Donc toutes sortes de gens s'en emparent de différentes manières. Et la grande habileté de Philippe Abjean, c'est de jouer sur cette polysémie en espérant que tôt ou tard, ça remontera vers ce que lui attend, j'imagine, c'est-à-dire un certain renouveau du catholicisme, mais dans une variante, en effet, celtique, entre guillemets, non forcément romaine, non forcément liée à des usages qui semblaient séculaires. Philippe Abjean donc est prof de philosophie, enfin il vient juste de partir en retraite. Nous on s'est rencontrés en 2008 et en fait il se trouvait que j'étais à ce moment-là en train d'écrire un livre sur l'histoire de Saint-Paul de Léon, parce que moi je suis de là-bas. Et on m'a dit, il faut que tu rencontres Philippe Abjean. Donc je l'ai rencontré à 2-3 reprises. Et lors de dernière rencontre, il me dit, il faut que je te parle d'une idée que j'ai depuis une dizaine d'années, la Vallée des Saints. Et il m'explique donc ce qu'il avait dans sa tête. Il voulait créer une île de Pâques bretonne avec des sculptures monumentales de 4 mètres de haut, à l'effigie des saints bretons. Donc ces saints qui sont venus de Cornouailles britanniques, d'Irlande, du Pays de Galles entre le 4e et le 8e siècle, et ils sont arrivés en Armorique, qui ne s'appelait pas encore la Bretagne. Et c'est des personnages, en fait, qui sont extraordinaires. Ils ont créé des ermitages. Ces ermitages ont donné naissance aux paroisses, puis aux communes. Et donc, ce qui fait que la cartographie de la Bretagne, c'est une vraie litanie des saints. On a une concentration de saints au kilomètre carré qui est assez énorme. Saint-Malo, Saint-Brieuc. Mais ici, on n'est pas loin du Finistère. Vous avez plein de communes qui commencent par Lande, Landerneau, Lande, Ermitage d'Air Noc, Landivisio, Lande, Ermitage de Tivisio, tous les Plou, le peuple de Plougoulm, Plou, le peuple de Coulm, Colomban. Et ces personnages-là ont été nommés saints par la Vox Populi, donc les habitants les ont nommés saints, donc ça devait être déjà des personnages un peu extraordinaires qui ont... On dit que c'était des magiciens, ils soignaient à peu près toutes les maladies qu'on pouvait trouver à l'époque. Et quelques années après, centaines d'années après, on commence à créer des légendes sur ces personnages-là. Saint Paul de Léon qui terrasse le dragon ou l'argile de bas, Saint Brendan qui croit s'arrêter sur une île pour prêcher et en fait il navigue sur une baleine, Saint Corentin qui découvre dans son poisson une cloche miraculeuse, enfin, etc., etc. Voilà, ça a marqué les Bretons et ça continue toujours à les marquer. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié ces saints en un premier temps, qui sont arrivés en grand nombre ici. Nous, notre projet est sur 1000 sculptures, on n'est pas loin de la vérité. Certains historiens vont dire il n'en existe que 600 et d'autres vont jusqu'à 1500. Ce qui fait que pendant des siècles, jusqu'à encore là, fin 20e siècle même aujourd'hui, on racontait l'histoire des saints bretons. Avant, quand il n'y avait pas la radio et la télé, on se retrouvait aux veillées avec le Buez Arsène, la vie des saints, et on se racontait ces légendes de saints. Donc ça a forgé, quelque part dans l'inconscient des Bretons, une mythologie. Et il s'est dit, maintenant, nous on a une vraie mythologie, on a des mythes, on a des légendes, on pourrait faire au moins aussi bien que les Grecs avec leur mythologie. Et donc il s'est dit, on va faire des sculptures monumentales en granit breton. Et il voulait, à l'époque déjà... Il s'est dit, ce projet-là, faut que ça soit une locomotive touristique pour la Bretagne. Parce que quand on arrive en Bretagne aujourd'hui et qu'on demande instinctivement aux gens, allez, citez-moi le site emblématique de la Bretagne, ça vient pas tout de suite. On arrive sur des projets à Carnac, à Pointe-du-Raz, Saint-Malo, ou des villes comme ça. Mais c'est un site vraiment qui symbolise l'âme de la Bretagne, l'histoire de la Bretagne, la culture. Voilà. Il y en a pas. A priori, tant que ça. Dom yander yann zo bet spontet, evit en no jau tromenet, bas i vefe en drug sveret, i sel de vaipe ven kousket, dom yan der yan nes pontiket, ne non a djeul na druk spiret, ne non a djeul na druk spiret, ni me der vamen es ukanet, e wen me mab des ukanet. Patrick, vous êtes compagnon, donateur de la Vallée des Saints. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi vous vous êtes associé à cette initiative ? J'ai connu la Vallée des Saints par hasard, par une conférence faite par M. Ablon, qui est le père fondateur de la Vallée des Saints. Et sur la demande de Claude Gloasguen, qui était maire du 16e, il est venu faire une conférence sur la Vallée des Saints, alors qu'il venait de lancer son projet. Et on a souscrit tout de suite. C'était il y a 10 ans, et tous les ans, on a renouvelé, avec une montée en puissance, on peut dire, au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? La dimension de l'éventail conçu par M. Abjan pour impliquer un maximum de personnes, de collectivités ou d'individus dans son projet sous tous ses aspects. Je crois que c'est très important. Ablan ne se contente pas d'avoir fait planter quelques statues sur un champ, non. Il a réussi à intéresser les granitiers, car le granit est une composante essentielle de l'économie bretonne, ou du moins devrait l'être, car hélas, 80% du granit que vous voyez par terre dans les ronds-points, les trottoirs, vient de Chine. Il s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour le granit breton. Et puis, il a fédéré un tas de collectivités régionales, municipales, commerciales. Il a réussi à les intéresser au projet, ce qui fait que, d'une part, il a quand même réussi... Elle est persuadée de financer un petit peu, mettre un peu d'argent. Aujourd'hui, on est à 15 000 euros pour une statue. Il y a une dimension religieuse tout de même dans la Vallée des Saints. Fondamentalement, non. Non. Monsieur Ablon a toujours fait attention de préciser que ces saints bretons, à part quelques rares exceptions, car elles sont rares, ne sont pas des saints reconnus par l'Église catholique. Si vous envoyez la liste, vous trouvez des noms, vous vous dites, mais d'où il sort celui-là ? Mais ben, c'est pas difficile, hein. Il sort d'Irlande ou du Pays de Galles. La légende que vous trouvez partout, c'est qu'ils sont venus dans une auge de pierre, les uns et les autres. Bon, on sait que ce n'est pas vrai, mais ils sont probablement venus dans des coracles, hein, qui sont des structures en bois courbé, revêtues de peau. Il faut déjà le faire pour traverser la Manche. Et puis, ils ont évangélisé. Moi, je suis spécialiste du Haut Moyen-Âge. Et en fait, dans tout ce que je fais, moi, je trouve passionnant, les gens ne s'intéressent qu'aux saints bretons. J'ai des questions que là-dessus. Ce qui, pour moi, est tout à fait déstabilisant, parce que c'est pas du tout le plus important, moi, je trouve. Mais il y a vraiment une obsession autour des saints bretons. Et alors ça, je cherche à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Magali Coumer, entre le 5e et le 8e siècle en Bretagne ? Alors, ce qui est très important, je pense, c'est de considérer que les contemporains n'ont pas perçu quelque chose d'extraordinaire et n'ont pas du tout communiqué d'étonnement. De ce point de vue-là, on a une vraie question, c'est qu'on a des sources qui constatent un changement qui pour nous va être très important, qui est le fait d'appeler Britannia une partie du continent, ce qui n'était absolument pas le cas jusque-là. Donc après 550, on a des sources qui nous disent Britannia, c'est en Armorique. Et ce bouleversement-là, pour eux, est une banalité et ils ne le commentent pas. Donc ils ne nous donnent pas d'informations, ils n'expliquent pas ce qui s'est passé. Et c'est plus tard, donc à partir du 9e siècle, qu'on cherche des explications et qu'on cherche à donner un sens à ce changement. Et Britannia, ça vient d'où ? Britannia, indéniablement, ça vient des deux provinces romaines de Grande-Bretagne qui s'appelaient Britannia. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui considéraient qu'ils venaient de Grande-Bretagne et qui ont construit un pouvoir en Armorique. Mais pour le reste, nous n'avons aucune trace. Et alors, ce qui est, de ce point de vue-là, on peut éliminer, à mon avis, l'hypothèse d'une migration qui aurait été conduite, organisée. Personne ne témoigne d'un phénomène de masse. C'est d'abord peut-être que les gens étaient relativement peu nombreux, ceux qui ont bougé, ça on ne peut pas savoir. Mais surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas organisés de façon claire. Ce qui fait que, pour les contemporains, c'est un phénomène qui se passe quasiment inaperçu. Est-ce que ces migrations de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne jusqu'à notre Bretagne correspondent au processus d'évangélisation ? A priori, non. Alors, on commence dans le premier temps. D'abord, il se trouve que l'Armorique n'est qu'une partie de la Gaule romaine et que dans ces régions-là, la christianisation a progressé dès le IVe siècle et qu'il n'y a pas de raison de considérer que, de ce point de vue-là, la Bretagne, Petite Bretagne, est en retard ou serait en retard, par exemple, sur la Grande-Bretagne où, là aussi, il y a une évangélisation qui est en cours à partir du IVe siècle. Il y a quelques martyrs. Et il y a des gens qui se définissent vers 400 comme étant des chrétiens. Et donc c'est leur identité. Ils sont chrétiens, ils utilisent le latin et ils appartiennent à l'Empire romain. Puis c'est ça qui disparaît au 5e siècle. Donc il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a un retard particulier de ces populations sur les autres. Ce qui est très important à cette époque-là, je pense, c'est le charisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se dévouent à l'idée de transmettre le christianisme. Et l'organisation ecclésiastique autour d'eux est relativement faible. Donc on a des gens qui ont une âme de chef religieux et ils soudent autour d'eux des communautés qui en font des saints. Où en fait il suffit qu'un individu montre des capacités exceptionnelles pour qu'il soit vénéré de son vivant et après sa mort comme un saint et qu'on considère que ses reliques ont un pouvoir. Donc il y a très certainement des individus qui se dévouent à l'idée de transmettre le message chrétien et qui organisent alors des communautés qui sont très souvent des communautés monastiques autour d'eux. Alors suivant les cas, on en a qui se déplacent avec ces communautés, on en a d'autres qui se fixent à un endroit. Et on a un système qui est complètement décentralisé, c'est-à-dire que ce sont vraiment des initiatives individuelles qui progressivement finissent par établir un maillage de territoire. Alors ici, à la Maison Saint-Yves, qui regroupe l'ensemble des services du diocèse de l'église en Côte d'Armor, nous sommes dans le cloître et nous avons la belle tapisserie de Xavier de Langlais. Donc on peut voir effectivement l'arrivée de Saint-Brieuc et Saint-Hugdual. C'est assez intéressant parce que ce sont deux saints fondateurs des églises de Bretagne qui sont distinctes, puisque Saint-Brieuc est à Saint-Brieuc, Saint-Hugdual, fondateur de l'église de Tréguier. Donc il y a ici une sorte de mise en relation rapprochée d'éléments d'histoire, proto-histoire un petit peu, hein, c'est de la tradition orale, mais avec effectivement des figures qui sont venues du Pays de Galles vraisemblablement au 5e, 6e siècle. Avec Saint-Brieuc, et on voit très bien ici effectivement la Manche qui est figurée hein, par cette mer, avec des îlots, avec les collines des côtes, Côte d'Armor donc, et puis on voit cette famille avec Fragan, Gwen son épouse, Guénolé dans les bras, Gildas et Clervy, et puis Saint-Brieuc, qu'on reconnaît comme premier évêque fondateur du diocèse de Saint-Brieuc avec sa crosse. Et puis si on s'approche, on voit effectivement Saint-Hugdual, hein, qui est le premier évêque de Tréguier. Il n'y a pas là d'attestation historique, mais il y a une tradition. C'est-à-dire qu'il y a des histoires des saints qui ont été écrites beaucoup plus tardivement, vers le Xe siècle, XIe siècle, qui ont d'ailleurs souvent des points communs, des traits communs entre les différents saints fondateurs de Bretagne. Donc on rattache comme ça dans une sorte de probabilité, avec des noms qui sont cités, l'attestation de Saint-Brieuc et Saint-Hugdual. Voilà, mais sans qu'il y ait la précision historique que requiert aujourd'hui la science. Mais pour l'Église, Brieux et Tugdual sont des saints. Bien entendu, très clairement. Pour nous, Brieux, c'est celui qui est à la tête des premiers évangélisateurs qui ont traversé la Manche pour venir porter l'évangile ici dans nos régions. Et nous nous en sommes très reconnaissants. Ces saints bretons, d'avant la réforme grégorienne, ces saints rendus saints par la Vox Populi, est-ce qu'on a une idée de leur nombre ? Alors, c'est là où on a, je dirais, un fantasme complet. Le premier fantasme, c'est le fait de lier la migration aux saints. De ce point de vue-là, ça n'est absolument pas ce que nous avons en main. C'est-à-dire que nous avons une migration qui se fait avant 550 et qui ne laisse pas de traces. Ce que nous voyons, c'est après 550, des gens qui nous disent « ça, c'est la Britannia ». Donc, il y a quelque chose qui a eu lieu avant. Mais là, on ne nous en dit rien. Et après, nous avons un saint breton très important, qui s'appelle saint Sanson, qui est actif dans la deuxième moitié du VIe siècle, qui est quelqu'un qui se rend auprès du roi franc Childebert, qui est quelqu'un qui vient du Pays de Galles, qui est actif en Petite-Bretagne, et qui est documenté par une vie de saint, écrite avant le IXe siècle, et parce que lui est venu du Pays de Galles pour être actif principalement en Petite-Bretagne, notamment autour de Dole, on a imaginé, après coup, que tous les autres saints personnages dont on avait entendu parler ont fait le même parcours. Et indéniablement, saint Sanson est quelqu'un qui a effectué plusieurs allers-retours de part et d'autre de la Manche. Donc on imagine la même chose pour des saints comme Guénolé, Malo, Magloire, etc. Et ça, on commence à les rédiger dès le IXe siècle. Mais ça ne repose sur aucun élément nouveau. C'est-à-dire que tous ces voyages ou ces déplacements transmanche de saints, qui sont des saints bretons véritables, sont copiés sur la vie de saint Sanson. Les quelques informations nouvelles éventuellement que nous avons tiennent à l'histoire locale. C'est-à-dire que par exemple, sur un saint comme Guénolé, on a des informations sur le premier oratoire qu'il a créé avant de créer le monastère de Landévennec. Ça, on peut vérifier sur le plan archéologique, il y a effectivement des étapes. Et l'idée que ces saints seraient venus de l'autre côté de la mer ne repose que sur le parallèle avec saint Sanson. Voilà, saint Sanson, par exemple, il n'a laissé aucune trace au Pays de Galles, même pas un toponyme. Donc on n'a vraiment qu'un côté de l'histoire. Dans tête grande serpent mille Pues la radon era profeta, ma ne ovron verre voyahei. Il y en a un dont je ne savais même pas que c'était un saint breton, et que je connais un peu, c'est Saint-Émilion. Ah oui, ça vous étonne ça, hein? Car Saint-Émilion a débarqué avec son doge de pierre, bien entendu. Mais il a débarqué en Bretagne, il a évangélisé pendant un certain temps, et puis lui, il a descendu d'un peu plus loin, et il s'est retrouvé à Saint-Émilion, précisément, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Ce qui fait que les gens qui du Bordelais, mon épouse est bordelaise, ils tombent de l'armoire quand on leur dit qu'Émilion est un saint breton. De l'armoire bretonne. Ah, toujours. Toujours. Quel statut de saint avez-vous financé ou participé à financer ? Alors, il y en a plusieurs, parce qu'au début, j'ai fait ça petitement, un peu au hasard et tout. Et puis, quand j'ai voulu me concentrer sur une, les noms qui me plaisaient le plus étaient déjà souscrits et hyper souscrits. Alors, je me suis retourné vers Gwenaël, parce que j'ai un petit-fils qui s'appelle Gaël. Vous en savez un peu plus sur ce Gwenaël ? Pas grand-chose. Je pouvais en trouver un peu dans le livre, mais pas grand-chose. Ce n'est pas un saint majeur. « qu'il y a de bien dans ce lieu, c'est que les gens se baladent. Un peu, il n'y a pas d'ordre officiel. Chacun peut aller d'en haut en bas, regarder le paysage ou regarder les statues, lire l'histoire à laquelle elle correspond. Dégamer, ça veut dire Dégamermat, ça veut dire bonjour, bienvenue en gros. Il n'y a pas la statue que je cherchais, mais on va la retrouver. Elle a peut-être été installée depuis. Les dernières, alors que les premières installées étaient très classiques, un peu hiératiques, le saint breton tel que on peut le voir sur les gravures, dans des postures prophétiques, on va jouer un peu sur la solidité du granit et en même temps sur le côté figé du saint, dans sa posture sanctifiée. Alors au contraire, il y a toute une série de jeunes sculpteurs qui sont arrivés là, qui ont donné libre cours à leur imagination. Et là, on assiste à des formes vraiment à la fois sensuelles, des formes étonnantes qui réveillent l'imaginaire, et avec une interprétation assez étonnante de la sainteté. La statue que je cherche, je vais la trouver. Hein. C'est une statue de Christophe Le Baquer. J'avais retenu son nom. Ici, on a un petit aperçu dans les arbres. La jonction de l'espace qui se dégage avec des arbres en première ligne. Et le soleil qui arrive par derrière. C'est chaud, ça. C'est assez... à la fois spectaculaire et émouvant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mystère. On a l'impression un peu de quelque chose qui surgit de la terre. Et le boulot du sculpteur, c'est justement ça, d'arriver à dégager une forme, quoi. Un imaginaire à partir d'un bloc, boum, qui est posé là et on sort l'esprit. Saint-Clairvy, c'est un bon exemple. C'est Bilal Hassan qui est un Syrien. Parce que le projet, tout de suite dès le départ, hein, avec Philippe, on s'est dit, voilà, nous on est breton, on défend la Bretagne, mais breton ouvert aussi sur le monde. Et l'idée, c'était de dire, n'importe qui dans le monde, n'importe quel sculpteur peut réinterpréter nos légendes. Et dans l'équipe de départ, d'ailleurs, on avait Sinou Chamungam, qui est indien. Arrivé Bilal Hassan, un Syrien. On a une Portugaise. Cette année, on a un Québécois qui arrive. Voilà, ça permet d'avoir d'autres lectures des légendes et d'avoir quelque chose de très ouvert, chercher l'universel un petit peu aussi. Donc c'est pour ça qu'on va trouver des traits asiatiques. Là, Bilal, lui, il a une façon de sculpter approche un peu italienne, au burin, ce qui donne cette forme aussi qui est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai qu'il a une façon de travailler complètement différente des autres. J'essaye d'observer si oui ou non, un jour ou l'autre, ces statues seront taguées. À ma connaissance, non. Il y a une sorte de clôture virtuelle qui s'est introduite et une sorte de sacralisation du fait du site qui n'est pas traité comme autrement, et peut-être justement parce qu'il est gratuit. Yvon Tranvoise, historien. Deuxième chose, il y a eu une polémique dans la presse à propos des statues qui rouillent, comme on disait. C'est-à-dire qu'en fait, le granit, ma foi, vieillissant un peu, il y a des traces rouilles qui apparaissent sur des statues. Déjà, on avait eu des remarques intéressantes sur la statue de Saint-Yves, une des premières installées, qui avait pas mal verdi. Ben bon. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en quelque sorte, il y a une patine naturelle qui se met. Et il y a des gens aujourd'hui qui, arrivant comme ça, inopinément sur le site, s'imaginent que les statues sont là depuis très longtemps. Je crois que ces deux éléments-là, cette patine naturelle, mais qui va plus vite qu'on pensait, et puis l'accès gratuit, sont des éléments qui jouent beaucoup pour la sacralisation, comment dire, entre guillemets, du lieu. Ces statues ont donné lieu également à des polémiques dans Libération et dans un autre journal dont j'oublie maintenant la référence, concernant son esthétique. Ringard, affreux, massif. André Rousseau, sociologue. Bon, on est là dans un conflit typique d'arbitraire culturel, comme dirait l'autre, qui est insoluble, mais qui est intéressant, parce que, vu de Paris, la Bretagne a des côtés sympathiques, pourvu qu'elle soit showbiz. Dès qu'elle devient enracinée, et manifestement enracinée, on la suspecte, et sur quoi on tombe ? Sur l'esthétique. C'est très intéressant de regarder le regard extérieur et critique sur la vallée des Saints. Donc c'est une Bretagne qui ne convient pas à une certaine vision parisienne attendue. Et donc, du coup, on pourrait dire presque en exagérant qu'il y a à côté alors à la fois bonnet rouge et gilet jaune dans la vallée des Saints. C'est-à-dire qu'une quelque part, une affirmation périphérique à contre-courant. C'est un mot que Philippe Abjan emploie tout le temps. Pourquoi ça marche ? Parce que c'est à contre-courant. Je voudrais inscrire aussi cette vallée des Saints dans l'histoire longue. Finalement, le geste de Philippe Abjan s'enracine au XIXe siècle où on réinvente la Bretagne, ses traditions littéraires, sa langue, pour montrer qu'elle est un peuple exceptionnel. Et quand il dit qu'il inscrit dans la pierre la mythologie de la Bretagne, d'une part, on saisit bien l'ambiguïté par rapport au catholicisme, il parle de mythologie, et puis, en même temps, son dessin d'un catholicisme populaire qu'il veut, en un sens, réhabiliter. Plein dans un roman régional. Alors il y a quelqu'un de très important pour ça qui s'appelle Arthur Lemoine de La Borderie, qui est vraiment quelqu'un d'incontournable pour chercher à comprendre cette image de la Bretagne. C'est que pendant des siècles, on n'a pas fait particulièrement attention à ces saints bretons. C'est-à-dire que si on cherche au niveau des toponymes, au niveau des cultes populaires, au niveau des prénoms qu'on donnait aux enfants, ces saints bretons n'ont pas particulièrement la cote. On est au contraire dans une réaction qui est assez logique, hein, à partir du Concile de Trente, qui est l'idée de chercher des saints qui soient universels et qui soient bien établis. Hein. Sainte-Anne, par exemple, voilà, ça c'est Sainte-Marie, évidemment. Et donc, ces saints bretons, dont on ne sait pas grand-chose, n'ont pas vraiment la cote. Magali Coumer, historienne. Au XIXe siècle, par contre, on est face à une entreprise qui est tout à fait intrigante, parce que Arthur de La Borderie est un chartiste au départ. Donc c'est quelqu'un qui a la caution scientifique, ça fait partie des premiers historiens professionnels, on va dire. En même temps, c'est quelqu'un de profondément romantique et profondément réactionnaire. Et en fait, il utilise le matériau qu'il défriche, il est le premier à s'intéresser vraiment à une histoire de la Bretagne qui soit une histoire scientifique. Et il utilise les matériaux qu'il a pour illustrer ses convictions politiques. Et donc de ce point de vue-là, on a quelque chose qui a longtemps fait illusion, parce que c'est quelqu'un qui a été formé comme un historien, donc il cite des sources. Le problème, c'est qu'il cite des sources du XVIe siècle, XIIe siècle, IXe siècle, et qu'il mélange tout ça pour arriver à faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, ce qu'il a envie de faire, c'est de présenter des origines de la Bretagne sous le signe de l'unanimité, c'est-à-dire des communautés où chacun est à sa place, donc le prêtre et le guide spirituel, les élites guident une communauté villageoise qui leur fait confiance, les paysans font ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils obéissent, et tout le monde part en même temps sur des bateaux pour traverser la Manche, pour aller fonder un monde nouveau. Et donc il y a vraiment la quête d'une société idéale, où le christianisme unit tout le monde dans un destin choisi, partagé, dans un monde où il n'y a pas d'intérêt qui s'oppose. C'est aussi une réponse à la théorie de la lutte des classes de Marx, par exemple. Beaucoup d'églises paroissiales, notamment, ont deux saints, le saint patron officiel dans le calendrier romain, et puis un saint patron plus local qui est l'objet d'un pardon beaucoup plus populaire. Donc il y a toujours cette sorte de diglossie, si j'ose dire, religieuse, où on a à la fois le romain et le breton. Ils sont typiquement un enjeu parce qu'ils ont des aspects mythiques, sur les saints guérisseurs, qui probablement s'enracinent, si j'ose dire, dans les traditions païennes, complètement. Hein. Et donc la vallée des saints répond bien à une façon de faire de l'Église qui est ancestrale également. Elle a canonisé et christianisé des mythes, des saints légendaires, plutôt magiciens. Elle a comme cela assimilé le paganisme, parce qu'elle se voulait multitudiniste. Elle retrouve là une occasion de redevenir multitudiniste, ce qu'elle avait cessé de faire, en pensant que la foi était plus importante que les rites, que l'adhésion, la conviction et la réflexion, la réflexivité était plus importante que les habitudes et les traditions. Et là, elle retrouve avec la vallée des saints quelque chose qui est populaire au sens statistique du terme et qui lui permet de retrouver une veine d'adhésion à du christianisme, même si c'est relativement vague, mythique. C'est peut-être l'originalité chrétienne par rapport à la vénération de divinités païennes, on pourrait dire, c'est de faire un ensemble qui est relié au Christ avec du récit. C'est en cela qu'on se distingue peut-être de la magie ou de l'art divinatoire ou de choses pré-chrétiennes, c'est qu'il y a un récit. Monseigneur Moutel. Il y a un récit. Alors, il y a toujours eu un récit. Il y a un récit aussi concernant des forces, ce que le monde druidique peut-être évoque aujourd'hui encore. Mais là, il y a un récit des Écritures, de l'Écriture sainte, qui rapporte cette histoire à Jésus, au projet de Dieu d'aimer et de sauver l'humanité. Et les saints, eh bien, se rapportent à ce courant fondamental qui n'est pas le leur, hein, mais qui vient du Christ. Mon grand souhait, mais Monsieur Abjean le connaît bien et je suis sûr qu'il le partage, c'est que surtout cette réalisation gigantesque et magnifique de la Vallée des Saints ne se coupe pas de ses racines chrétiennes. Parce que si on en faisait par malheur un lieu de grand mélange de divinités plus ou moins connues, plus ou moins obscures, ou d'appels, comme c'est assez fréquent par les temps qui courent, comme ça peut être assez à la mode, hein, de forces telluriques ou qui peuvent nous saisir pour le meilleur et pour le pire. C'est évidemment pas la direction dans laquelle je souhaite voir évoluer la Vallée des Saints, mais je ne pense pas. La Vallée des Saints, j'ai pas été. En revanche, bon, voilà, j'ai été voir sur Internet, j'étais intriguée. Je me suis dit, bon, après tout, créer un pôle d'attraction touristique en centre-Bretagne, pourquoi pas? Après, je me demande toujours pourquoi les saints bretons? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ce sont des gens qui sont des croyants chrétiens? J'ai pas l'impression. Et alors, pourquoi cette obsession pour des saints bretons dont on sait que la plupart n'ont pas existé et que s'ils ont existé, la vie qu'on leur prête n'est pas celle qu'ils ont vécue. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me dérange, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'obsession de chercher un moment où tous les Bretons auraient été unis tous ensemble, et là on retrouve Arthur de la Borderie, comme si c'était impossible d'imaginer une communauté bretonne où les gens aient des intérêts divergents. Et là, en Centre-Bretagne, je trouve que c'est particulièrement intriguant, en fait, le fait de vouloir absolument revenir à ce passé qui n'a pas existé, mais qu'on en fasse comme ça un monument, qu'on investisse. Pourquoi là et pourquoi maintenant? Et je pense, mais là je ne suis pas spécialiste du XXIe siècle, mais je pense que c'est parce que justement on est à un endroit où les tensions sociales s'exacerbent, où les gens ont des intérêts tout à fait divergents. Une des questions fondamentales pour le centre de la Bretagne, c'est autour de l'agriculture intensive et la production intensive de nitrate. Les algues vertes augmentent tous les ans. Est-ce qu'on va continuer sur ce modèle de développement-là? Est-ce qu'on va imaginer une agro-agriculture? Est-ce qu'on va abandonner l'agriculture? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à boire l'eau du robinet? Ça, ce sont des questions vraiment importantes. Et en fait, j'ai l'impression que toutes les questions qu'on pose sur les saints bretons et toute cette focalisation autour des saints bretons, c'est une façon de ne pas parler des choses qui fâchent. La commune, elle a subi vraiment la désertification de la Bretagne. Au XVIIIe siècle, on avait 2500 habitants ici, à la sortie de la guerre, 1500. Aujourd'hui, dernier recensement, on est à 680. Quelque part, si la Vallée des Saints fonctionne, bon, ça commence à fonctionner, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux habitants qui vont arriver ici. Par exemple, on sait déjà que ça a un réel impact économique. Dans le bourg, vous avez un restaurant, le Ticorne, un couple qui est arrivé juste avant qu'on sélectionne Carnoët pour installer la Vallée des Saints. Ben aujourd'hui, si vous allez les voir, ils refusent pendant l'été jusqu'à 30-40 personnes par jour. On a une crêperie, un jeune couple qui vient de s'installer dans le bourg et qui vient d'installer une nouvelle crêperie. Les agriculteurs ici sont en train d'ouvrir des gîtes. Donc on sait qu'on commence à avoir un impact sur Carnoët et aux alentours. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on a choisi Carnoët. C'était pour ça aussi. En fait, on n'était pas loin en train de tourner, on est en camion et on est tourné dans le coin. Et on avait vu une brochure avec ça et du coup on est venu voir tout simplement quoi. On est étonné de voir autant de statues en un lieu aussi réduit. En plus on s'est rendu compte que c'est à quoi 10 ans à peu près, donc ça a été vraiment super productif quoi, enfin vu le nombre qu'il y a. Et non, c'est j'aime bien. C'est une bonne idée, il devrait y avoir plus de lieux comme ça. Et ce qui va être rigolo, c'est que dans 2000 ou 3000 ans, les statues, elles seront encore là, certainement, peut-être tombées ou autres, et que les gars, ils se diront, mais qu'est-ce qui leur a pété de faire ça à cette époque-là, comme on peut voir les alignements de Karnak ou autres, où les gars, ils ont mis des rochers, on sait même pas pourquoi. Je pense que c'est un site qui va devenir comme ça plus tard, quoi, où ça, tout ça va s'effacer, il y aura plus que les statues qui seront là, et nous, on sera sans doute ailleurs, quoi. Enfin, moi, je pense que ça s'oubliera dans le temps ce que c'était à l'origine, quoi. Merci à Sébastien Mingui, directeur de la Vallée des Saints, Cyril Pouliquin, sculpteur, Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc, Magali Coumer, historienne, Yvon Tranvoise, historien, André Rousseau, sociologue, Patrick, mécène, Jean Kergrist, écrivain. Merci aussi aux visiteurs croisés à la Vallée des Saints, à Henri Masson, conservateur régional des monuments historiques à la DRAC de Bretagne, et à Yvette Clément et Nathalie Bénibri, rencontrées au restaurant Le Coriandre à Trémarga. Mixage Delphine Baudet. La Vallée des Saints, les légendes, ça se sculpte. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Thomas Duterre. Voilà pour ce dernier volet de notre série consacrée à l'histoire de la Bretagne dans la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter tous les épisodes sur le site de France Culture, franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse FabriqueFC, FabriqueFC demain, histoire et actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire.